fois les mêmes, emmenés sur les eaux. J'écoute le calme, emmêlé dans mes mots. La fin d'un règne avant d'oublier ce mal. Il nous faut des semaines pendant que l'État nous tourne le dos. Je vois les mêmes, emmenés sur les eaux. J'écoute le calme, emmêlé dans mes mots. La fin d'un règne avant d'oublier ce mal. Il nous faut des semaines pendant que l'État nous tourne le dos. J'ai connu ta merde, j'avais ton âge et j'avais ton talent. Petit MC vicieux vissé sur les rails de la déficience. J'aimais les défis quand le challenge était à ma taille. Pareil qu'on change, on reconnaît les frais dans la bataille. T'oublies l'école, conduis en état d'ivresse. Tu prends la vie à contresens, sans latex et sans politesse. Premier de la thèse, au lieu d'être premier de la classe. Tu vis sans stress, mais promis, tu seras le premier dans la crasse. J'entends souvent la jeunesse, c'est un vrai désastre. Et parti de rien, je vais être un astre parmi les as. Demande à Rino à Paris, mais c'est quoi qui nous motive? Et dans le train de la chance, y'a des crocos dans la locomotive. Y'a des vautours qui toujours nous tournent autour. Et notes du notaire, de nos jours, les tours ont remplacé les notaires. Parole de père, j'aurai un ange au bout de mes bras. J'ai plus de temps à perdre, et déjà la mort danse dans mes draps. Je vois les mêmes emmenés sur les eaux. J'écoute le calme, emmêlé dans mes mots. La fin d'un règne avant d'oublier ce mal. Il nous faut des semaines pendant que l'État nous tourne le dos. Je vois les mêmes emmenés sur les eaux. J'écoute le calme, emmêlé dans mes mots. La fin d'un règne avant d'oublier ce mal. Il nous faut des semaines pendant que l'État nous tourne le dos. Je suis ce que je suis, je sais ce que je fuis. Et quand je fais mes conneries, je n'ai jamais dit qui m'aime me suivre. C'est ma vie, mon choix, mes principes. De protéger ceux que j'aime, ma famille en premier et ma sale gueule en deuxième. J'aimerais prendre le large depuis le temps, mais tu sais le topo. C'est que le monde appartient au patron dont les ouvriers se lèvent tôt. Tu peux me voir dans une épicerie, prendre une bière en chrome. J'ai mal au cœur et comme un con, je dis que c'est mon mercure au chrome. Bah ouais, je bois, je fume, emmêlé dans mes mots. Ne me mimez pas, changer, j'aimerais autant mettre un pansement à une jambe de bois. Quoi? On voit souvent les hommes lorsqu'ils sont blessés. Y'en a qui se mettent à genoux pour mieux se redresser. Y'en a qui se sacrifient pour l'amour de leur gosse. Pendant qu'il y en a qui jouent les beaux gosses pour goûter tous les gloss. C'est pas mon but, je reste simple et pose ma vie sur simple. Même si la terre tremble, je reste droit, même si la pente est glissante. Je vois les mêmes emmenés sur les eaux. J'écoute le calme, emmêlé dans mes mots. La fin d'un règne avant d'oublier ce mal. Il nous faut des semaines pendant que l'État nous tourne le dos. Je vois les mêmes emmenés sur les eaux. J'écoute le calme, emmêlé dans mes mots. La fin d'un règne avant d'oublier ce mal. Il nous faut des semaines pendant que l'État nous tourne le dos. Avant de débuter, s'il vous plaît, il faut bien que je me présente. Mon plat c'est des riz depuis 12 piges, juste de l'encre. Je noircis le papier en rapport là où j'habite. Épiné sur scène, or je monte chaque année, ça se complique. J'évolue dans un pays qui est devenu un bêtisier. On joint pas les deux bouts, la galère nous a enlisés. À croire qu'être né ici c'est partir avec un échec. La pression que les gars me donnent quand ils tapent leur verre d'alcool cul sec. Je vais zarder mon rien à foutre du rap français. Quand je prends le micro dans ma tête, je pense pas à un franc succès. Je rappe comme je mène ma vie, désolé si j'abuse. Peu importe que je sois fort, que j'ai du talent, du moment que je m'amuse. Faut bien un loisir, y'a rien pour moi ici. Rien de sérieux, rien de concret pour finir vieux dans l'horlogie. Si c'est le plus gêné qui se barre, laissez-moi prendre mes bâtons. Que je puisse dire au revoir définitif autour de béton. Je vois les mêmes emmenés sur les eaux. J'écoute le calme emmêlé dans mes mots. La fin d'un règne avant d'oublier ce mal. Il nous faut des semaines pendant que l'État nous tourne le dos. Je vois les mêmes emmenés sur les eaux. J'écoute le calme emmêlé dans mes mots. La fin d'un règne avant d'oublier ce mal. Il nous faut des semaines pendant que l'État nous tourne le